Salut mon ami. L'équipe juridique de l'association a finalisé un document clé intitulé « Arguments ». Ce document contient toutes les stratégies et preuves nécessaires pour défendre la forêt. Nous devons maintenant partager ce fichier avec les bonnes personnes tout en contrôlant les niveaux d'accès pour garantir la confidentialité et l'efficacité de notre travail.